إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous allons inshallah terminer aujourd'hui les explications des qawa'id al-arba'a, des quatre règles de Cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et nous avons terminé la semaine dernière les explications sur la troisième règle et aujourd'hui on commence inshallah la quatrième règle. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة ودليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Donc la quatrième règle, c'est que les associateurs, les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens. Car les anciens n'associaient à Allah qu'en période de prospérité. Ça veut dire que lorsqu'ils sont bien, en bonne santé, ils n'ont que du bien, eux, ils associent à Allah Azzawajal, ces associateurs. D'accord ? Tandis que, en temps de difficulté, il suffisait qu'ils avaient un problème, ils adoraient Allah Azzawajal exclusivement. Ils s'en remettaient qu'à Allah Azzawajal. Quant aux polythéistes de notre époque, aux associateurs de notre époque, ils associent constamment, que ce soit en période de prospérité ou de difficulté. Donc là, c'est la différence déjà entre les polythéistes, ceux d'avant et ceux de maintenant. Ceux du temps d'avant, c'est que en temps de prospérité, eh bien, ils associaient Allah Azza wa Jal, et lorsqu'ils sont dans la difficulté, ils savaient que seul Allah Azza wa Jal peut les sauver. Donc ils ne s'en remettaient qu'à Allah Azza wa Jal. Ils savaient, eux, ils avaient cette croyance ferme que ces statues et ces idoles qu'ils adoraient ne pouvaient les nuire en rien, d'accord ? Et ne pouvaient les bénéficier en rien. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les adoraient pour se rapprocher d'Allah, comme on avait expliqué précédemment. Tandis que de notre époque, lorsqu'ils sont en prospérité, dans le bien, ils sont tranquilles, ou bien ils sont dans les problèmes, dans tous les cas, ils font du shirk. Dans tous les cas, ils font du polythéisme. Et ceci est indiqué par la parole d'Allah, dans la traduction du sens du verset, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre, ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Et Allah demeure le plus savant. Tammat sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc ça c'est à la fin du matin que vous trouvez hein, dans le livret. Que inshallah qu'il faut que j'en ramène d'autres. Ce livret là c'est celui qui contient les 6 fondements et les 4 règles. Hein. C'est ça ? D'accord. Oui ? Ouais, c'est ça. Donc dès qu'on aura terminé, on aura terminé inshallah avec ce livret là. Donc là on va voir. Là on va voir les explications de Cheikh Salah al-Fawzan concernant cette quatrième règle. Donc, il dit le cheikh Hafidahullah, Al-Qa'idatu al-Rabi'a wa hiya al-Akhira. Donc la quatrième règle, c'est la dernière. Anna mushrikai zamanina a'azam shirkan min al-awwalin alladhina bu'itha ilayhim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, les associateurs de notre époque ont un polythéisme qui est pire que celui des associateurs chez lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. والسبب في ذلك واضح. Il dit, la cause dans cela est claire. أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله. Donc il dit, la cause que les associateurs de notre époque ont du politisme qui est pire de leurs prédécesseurs. Il dit pourquoi ? Déjà, il dit les premiers associateurs, d'accord ? Ceux qui les ont précédés, là. Eux, ils vouaient un culte sincère pour Allah Azza wa Jal lors des difficultés. Ils n'invoquaient qu'Allah Azza wa Jal. Ils ne s'en remettaient qu'à Allah Azza wa Jal lorsqu'ils sont dans la difficulté. Hein. Parce qu'ils savaient, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils savaient que seul Allah Azza wa Jal peut les sauver des difficultés. Ça, ils en ont la ferme conviction. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut les sauver de cette difficulté. Comme Allah Azza wa Jal a dit, « وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَثْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا » Dans la traduction du sens du verset de sourate Al-Isra, verset 67, Al-Isra 67, « Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez, l'homme reste très ingrat. وفي الآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له الدعاء فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. Donc ensuite il dit le Cheikh Hafidhahullah dans l'autre verset, dans la traduction du sens du verset de Sourate Luqman, verset 32, quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Yani, ils sont dans la pure sincérité lorsqu'ils se mettent à invoquer Allah, parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui peut les sauver, là, de leurs gros problèmes qu'ils sont. Juste nous, dans le livre, la Sourate Al-Ankabut. Et ça c'est les autres preuves que le Cheikh rapporte. Là c'est dans le charh, dans l'explication. Dans le matin que vous avez juste la preuve de Sourate Al-Ankabut, Sourate 29. D'accord. Et là, les autres versets, c'est dans les explications que le Cheikh rapporte. Donc il dit ce qu'Allah Azza wa Jal dit, la traduction du sens du verset de Sourate Luqman, verset 32. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents, mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. D'accord ? فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأشجار. Donc il dit, les premiers parmi les associateurs, c'est-à-dire les associateurs qui... les ancêtres de ceux qui sont actuellement là. Donc les premiers associateurs, eux, ils se mettent à associer à Allah Azza wa Jal, à invoquer autre qu'Allah, lorsqu'ils sont dans la prospérité. Lorsqu'ils n'ont pas de problème, ils invoquent autre qu'Allah. Ils invoquent les statues, les arbres, d'accord ? Ils invoquent donc les statues, les pierres, les arbres. « Amma idha waqa'u fi shidda » وَأَشْرَفُوا عَلَى الْهَلَاكِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْعُونَ صَنَمًا وَلَا شَجَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا أَيْ مَخْلُوقٍ وَإِنَّمَا يَدْعُونَ اللَّهَ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِذَا كَانَ لَا يُخَلَّصُ مِنَ الشَّدَائِدِ إِلَّا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فَكَيْفَ يُدْعَى غَيْرَهُ فِي الرَّخَاءِ. Donc là le Cheikh dit, hafidhahullah, il dit donc ce que les premiers associateurs. Là, ils sont en prospérité, ils invoquent les statues, les pierres et les arbres. Mais lorsqu'ils tombent dans les difficultés et sentent qu'ils vont mourir. Ils sont dans la difficulté, ils sentent qu'ils vont mourir. Hein. Ils se mettent, donc ils n'invoquent même pas, ils n'invoquent ni une statue, ni une pierre, ni un arbre, ni aucune créature. Mais ils se mettent à invoquer Allah Azza wa Jal seul. Ben justement, justement, c'est ce que dit le cheikh là. Il dit, si l'on sait que celui qui peut te délivrer, d'accord, des difficultés, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut te délivrer des difficultés, d'accord, alors comment les gens se mettent, les gens savent que seul Allah Azza wa Jal, eux ils savent que seul Allah Azza wa Jal peut les délivrer des difficultés, alors comment se mettent-ils à invoquer autre que lui dans la prospérité? D'accord? Donc ça, c'est la contradiction qu'on s'est... Vous voyez ce qu'on disait? Les polythéistes, les associateurs, ils sont instables. Ils sont instables. D'accord? Ils sont dans la difficulté et ils s'en remettent quand même. Ils sont dans la prospérité, ils commettent ces injustices-là. Mais... Naam? C'est de l'ingratitude. Et c'est pour cela que le shirk, certes, c'est de l'ingratitude. C'est la plus grande des injustices. Tu sais que c'est Allah qui t'a créé, qui t'a donné. Et ton cœur bat, tu t'en rends pas compte. Tu clignes des yeux, tu t'en rends pas compte. Ton sang coule dans tes veines, tu t'en rends pas compte. Au lieu de t'en remettre à lui, le remercier, l'invoquer, l'adorer, sans rien lui associer, l'individu, il va croire au porte-bonheur, les horoscopes, les je sais pas quoi, il s'en remettre à autre que lui. C'est de l'ingratitude. C'est comme pour la salade. Tu négliges la salade parce que tu es dans des moments de prospérité et tout va bien. Exactement. Allah musta'an, qu'Allah les guide. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ouais. Lorsqu'ils sont bien, ils sont en bonne santé, tout cela. C'est là qu'ils oublient. Là, comme on disait tout à l'heure, ils croquent la vie à pleines dents. Là, hein. Ouais. Hein. Et lorsqu'ils sont dans la difficulté, ah, ils savent que, allez hop, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de revenir à prier et tout cela. Allah al-Musta'an, ça c'est qu'Allah les guide, qu'Allah les guide. Donc là, comment se fait-il, hein, que lorsque l'individu, si l'individu sait que seul Allah Azza wa Jal peut le délivrer de toutes les difficultés, d'accord, alors comment se fait-il que les gens se mettent à invoquer autre que lui lorsqu'ils sont dans la prospérité, lorsqu'ils sont dans la tranquillité. Mais ils savent que eux-mêmes, ce qu'ils associent, ils ne peuvent rien faire. Donc pourquoi dans leur raisonnement... C'est parce que, dans les règles précédentes, pour se rapprocher... La croyance n'est pas correcte. Voilà. La foi n'est pas correcte. Eux, ils les adorent pour se rapprocher d'Allah. Voilà. Eux, ils aiment Allah. Mais ils aiment leurs idoles comme au même niveau qu'ils aiment Allah. Et la aqida, elle est faite. Et lorsque la aqida, elle est faite, l'individu est instable. Bien sûr. Instable. Il ne connaîtra pas la tranquillité. Hein. Il ne connaîtra pas la tranquillité. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-An'am, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec quelconque injustice, donc les sahabes ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh envoyé d'Allah, mais qui d'entre nous ne commet pas d'injustice? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, ce n'est pas cela qui est voulu. Ce n'est pas ce type d'injustice-là, yani que tu as oppressé quelqu'un, tu vois. Ce n'est pas ce type d'injustice-là qui est voulu dans ce verset-là. N'avez-vous pas entendu la parole de cet homme vertueux, Luqman, qui disait à son fils, « Ya Bunay » La parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Luqman. Ya bunay la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. D'accord, dhulm. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm inna shirka la dhulmun azim. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux-là auront la sécurité, ceux qui ont cru et ne mélangent pas, ne corrompent pas leur croyance avec quelque type d'injustice, c'est-à-dire quelque type de polythéisme que ce soit, ceux-là auront la sécurité et ils seront bien guidés. La sécurité, ils seront bien guidés. Vous voyez Celui qui a la croyance correcte et qui applique correctement la croyance correcte, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a la sécurité qui provient d'Allah Azza wa Jal. Il est stable. Une sérénité en même temps. Il est serein. En se soumettant à Allah Azza wa Jal, en ayant cette croyance-là, il a cette paix. D'accord ? Et ce n'est pas parce que ils vont interroger des gens, ils sont imams. Oui, c'est quoi l'islam ? C'est pas la soumission, c'est la paix. Il a rien compris, Ed. Tu te soumets pas à Allah Azza wa Jal, comment veux-tu connaître la paix ? Là, tu te soumets à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, c'est notre Seigneur, c'est le créateur de tout, de toute chose. Donc, tu peux pas être arrogant et puis vouloir avoir la paix, subhanallah. Tu vois ? Donc, ce qu'il y a, c'est que tu te soumets à Allah Azza wa Jal, là, tu as la paix, là, tu es paisible. Là, tu es stable. Allez, comme salam. أما مشركو هذا الزمان. Là il dit maintenant les polythéistes de ce temps-là. يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية. Donc les polythéistes de ce temps-là, on va dire contemporains ou bien de ces derniers temps, ceux sur qui font qui s'affilient à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui sont touchés par le shirk. A'oudou billah. D'accord ? Fa inna shirkahum da'imun fir raha wa shidda. Leur polythéisme, leur association est constant, que ce soit qu'ils soient en prospérité ou que ce soit qu'ils soient dans la difficulté. La yukhlisuna lillahi wa la fi hal shidda. Donc, ils ne vouent pas exclusivement le culte à Allah Azza wa Jal dans aucun temps, que ce soit dans la prospérité ni dans la difficulté. Bal kullama ishtadda bihim al-amr ishtadda shirkuhum wa nida'uhum lil Hasan wal Hussein wa Abd al-Qadir al-Jilani wa Rifa'i wa ghayr dhalika hadha shay'un ma'ruf wa yuzkar 'anhum العجائب في البحار أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل. Donc là il dit, eh bien là c'est les polythéistes de ce temps-là, ils ne sont ni sincères dans le culte qu'ils doivent vouer à Allah عز وجل. Mais ils associent que ce soit en prospérité ou dans la difficulté. Mais il dit en plus, le Cheikh Hafidhahullah, mais à chaque fois que la situation devient encore plus difficile, eh bien, ils renforcent leur polythéisme. A'oudhu billah. Et ils renforcent leur appel et leur invocation à Al-Hassan Al-Hussein, les petits-enfants du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a, ils se mettent à invoquer Al-Hassan Al-Hussein. Naam. Mais surtout les chiites, eux, ce qu'il y a, c'est que souvent ils ne parlent même pas de l'Hassan. Parce que l'Hassan, radiallahu anhu, a laissé la gouvernance à Muawiyah, radiallahu anhu. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils apprécient plus l'Hussein. C'est pour ça qu'ils sont en train d'appeler l'Hussein, ils frappent sur eux, et puis eux, ils sont tout le temps dans le Oudou Billah. Mais il y en a d'autres qui s'affilient. Parce qu'entre les soufis et puis les chiites, ça, il y a beaucoup de passerelles. Hein. Ça parle de la phrase de Jilani, justement. Naam. Naam. Ou bien ils invoquent qui ? Ils invoquent Abd al-Qadr al-Jilani. Subhanallah, comme je vous disais la dernière fois, quelqu'un des membres de la famille, et ça c'était dès que j'étais très jeune, au bled, il y avait une cousine qui avait dit « Je me sens malade aujourd'hui. » C'est... J'ai vu en fait l'Abd al-Qadr al-Jilani dans mon rêve. Il était en blanc, sur un cheval blanc. D'accord ? Et il m'a regardé « Parce que je ne suis pas parti le visiter, je suis tombé malade. » Oudou billah. Donc... Mais Karim, tout ça. Après, le djinnani, il est pour rien. Eh bien, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a fait sa tariqa. C'est un soufi qui a fait sa tariqa. Que ce soit Abdel Qadir Jinn ou bien Rifa'i. Rifa'i, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ahmed Rifa'i, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que devant je ne sais pas combien de milliers de personnes ça s'est déroulé. Il dit, d'accord? Il était à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti sa main de la tombe et il l'a salué et il a dit, et des milliers de personnes avaient témoigné cela. Et je m'en souviens, mon chéri, il avait répondu à cela en disant, parce qu'il y avait quelqu'un qui venait avec cette choubra, et il avait dit, mais à cette époque-là, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas contenir des milliers de personnes. Donc, les témoignages qu'il disait des milliers ont assisté à cela. Donc, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré chez lui, c'est à côté de la mosquée. D'accord ? Et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas contenir des milliers à cette époque-là. Donc, ils viennent en fait avec des histoires. Ils disent « wa ghayr dhalika ». C'est quelque chose qui est connu. Et c'est pour ça que là, je vais détailler avec d'autres individus, parce que qui reviennent souvent, pour qu'on comprenne clairement et que ce soit bien clair. Il dit, il mentionne des choses qui sont vraiment extraordinaires, quoi. Extraordinaires. Notamment dans les mers et les océans. Il dit quoi ? Subhanallah. Lorsque les polythéistes sont dans une difficulté, yani ils sont dans la difficulté, ils sont en pleine mer, hein. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils se mettent à faire ? Ils se mettent à appeler, invoquer en chantonnant, en élevant la voix, en recherchant l'aide, eh bien les différents, ce qu'ils appellent eux les awliyés. Abdel Qadir, tu sais, ils sont comme ça, et ils se mettent à crier. Yani au lieu d'invoquer Allah Azza wa Jalla, vous voyez les polythéistes d'avant ? Lorsqu'ils sont dans cette difficulté-là, ils se remettent à Allah Azzawajal, ils savent qu'il n'y a qu'Allah Azzawajal qui peut les sauver. Là maintenant, là c'est grave, hein, parce que ce qu'il va mentionner par la suite. Donc ils se mettent à mentionner les noms des awliyas, d'accord, en élevant la voix, en chantonnant, en les appelant, en les invoquant, d'accord. Yahtifuna bi asma'il awliya wa salihin wa yastaghithuna bihim min dunillahi azza wa jalla. Ils recherchent l'aide. Alors qu'ils sont dans cette difficulté-là, hein. Ils recherchent l'aide de ces awliyas-là en dehors d'Allah Azza wa Jal. لِأَنَّ دُعَاتِ الْبَاطِلِ وَالضَّلَالِ يَقُولُونَ لَهُمْ نَحْنُ نُنْقِذُكُمْ مِنَ الْبِحَارِ. Parce que les prédicateurs de l'égarement et de la fausseté, ces prédicateurs-là de la fausseté et de l'égarement disent, nous, ils leur disent ça, hein, nous, eh bien, nous vous sauverons des difficultés en mer et des océans. فَإِذَا أَصَابَكُمْ شَيْءٌ اَحْتِفُوا بِأَسْمَائِنَا وَنَحْنُ نَنْقِذُكُمْ. S'il vous arrive quoi que ce soit, élevez votre voix en chantonnant nos noms, et nous, on vous sauvera. Mais ça, c'est justement, barakallahu fik, j'ouvre parenthèse et après je ferme la parenthèse, ouais, pour que les gens savent que c'est une parenthèse. Non. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, le diable ne peut pas prendre, vous allez voir pourquoi en fait je parle de ça d'abord, d'accord, pour qu'on maîtrise tout dans le détail, inchallah. Le diable ne peut pas prendre mon apparence. D'accord ? Donc, si vous m'avez vu dans vos rêves, d'accord ? C'est que vous m'avez vu. En toute vérité, c'est que tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les rêves. Si tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam tel que son apparence est. Tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut le voir dans, c'est quoi le signe qui fait que c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Eh bien, si tu vois, par exemple, il y en a, ils disent, j'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, pour terminer, inchallah, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donc si vous me voyez, vous m'avez vu en vérité, dans vos rêves, parce que le diable ne peut pas prendre mon apparence. Voilà, et celui... Il y a des gens qui disent, Voilà. Dans un cours, on avait dit qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont rêvé du prophète sallam. Cela dit. Barakallahu fik. Mais et donc, juste Inch'Allah, je termine le hadith. Il avait dit, donc si vous me voyez, vous serez avec moi au paradis. Avec côté au paradis. Donc, cela dit, comme tu disais tout à l'heure, et justement pour mentionner aussi ce que disait FM Barakallahu fik, c'est qu'il y a des gens qui disent, par exemple, on a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, les gens qui disent ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se rendre chez les gens de science. Ils doivent questionner les gens de science qui ont la science dans cela. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut comprendre les rêves et puis les expliquer. Hein? Parce que ça, c'est, yani, c'est une partie de la prophétie, comme disait l'imam Malik, rahimallah. On ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui ont la science dans cela. Et donc, ce qu'il y a, c'est que tu décris la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, comme il y a un livre de l'imam al-Tirmidhi qui est Shamal Muhammadiyya, yani la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans son comportement physique et tout cela, yani la personne saura à quoi ressemble le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'elle va décrire. Elle va décrire, et bien voilà, il est comment. Donc là, maintenant, pour venir à ce que tu disais, Barakallahu fik, c'est que un individu peut dire qu'il peut croire qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses rêves. Mais il s'avère que ce n'est pas lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Mais il n'a pas dit que le shaitan ne pouvait pas dire qu'il était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends? Il y a une nuance dans ça. C'est-à-dire que le shaitan, il peut prendre l'apparence de quelqu'un. Quelqu'un, il ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit est vrai. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَى إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce qu'il dit est une révélation inspirée d'Allah Azza wa Jalla. Donc, le shaitan, il peut prendre l'apparence de quelqu'un et dire « Je suis un tel » ou « Je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Tu vois, il a pris l'apparence de quelqu'un d'autre. Donc, et là, dans cela, c'est la même chose. Ça peut être, donc le diable, il prend l'apparence de quelqu'un en blanc et tout cela, et il dit, je suis un tel. Et il peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'apparence du prophète, il ne peut pas la prendre. C'est clair à ce point-là. Le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Donc il peut prendre, comme l'apparence de, que ce soit Abdel Qadr, Jilen ou je ne sais pas qui, et dire, je suis le prophète. Et... C'est comme l'exemple que tu as dit, dire, la femme qui est partie voir... Voilà, qu'elle a vu, qu'elle a dit qu'elle l'a vu, mais en fait, donc il peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et dire « je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Là, il peut prendre l'apparence de lui, pourquoi? Pour faire pousser les gens vers le shirk, vers l'associationnisme. C'est-à-dire que l'individu, il croit « ah, oh, je l'ai vu, attention, oh, faut que je fasse attention parce que bon, j'ai peut-être mal parlé sur... » Ah oui, et puis les gens, tu sais quoi, ils vont prendre leur expérience comme une, hein, comme une règle. Ah mais attends, moi il m'est arrivé ça parce que ça. Et alors c'est pas une règle ça. La règle c'est Allah Azza wa Jal dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahabas disent. Donc si maintenant les gens prennent leur expérience comme des règles en islam, on ne s'en sort plus là. Subhanallah. Yani, toi tu dois te conformer à la sharia d'Allah. C'est pas la sharia d'Allah qui va se conformer à toi. Tu vois, de style, moi, selon mon expérience, eh bien, écoute, moi j'ai vécu ça, je suis pas parti le voir, il est venu dans mon rêve, je suis tombé malade. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aller retourner le voir. Donc le shaitan, il veut pousser. La première chose qu'il va te pousser à faire, c'est quoi? À tomber dans le shirk. Il va te pousser, vas-y, va le voir pour l'invoquer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? Je ferme la parenthèse. C'était clair, Inch'Allah? Barakallahu fik. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, ce sont ces prédicateurs là aux portes de l'enfer, là, de l'égarement et de la fausseté, qui disent aux gens, nous, on vous sauvera lorsque vous serez dans difficulté en mer. D'accord? S'il vous arrive quoi que ce soit, criez nos noms et nous, on vous sauvera. A'oudou billah, kama yurwa hadha an mashaykh turuq soufiya. Comme cela est rapporté sur les mashaykh des turuq des soufis. Waqra'u in shi'tum tabaqat al-sha'rani. A'oudou billah. J'ai eu l'occasion de voir cela. Je ne sais pas comment les gens ils font ça pour écrire ça. Ils ne craignent pas Allah. Tabaqat Sha'rani. Non? Non, il n'y a pas de problème, inchallah. Tabaqat al-Sha'rani, c'est un livre qui contient des choses. A'oudhu billah. C'est ce qu'il dit le shir. Il dit, comme cela est mentionné dans le livre donc, des différents talqat soufiya là, il a dit, si vous voulez avoir un exemple de cela, lisez Tabaqat al-Sha'rani. Il a dit, fafiha ma tuqash'ar minhu al-julud. Il y a de quoi faire, c'est avoir la chair de poule, non ? Hérisser les poils. Avoir la chair de poule, yani, tu te dis, a'oudhu billah. C'est pas la chair de poule, t'as peur de... C'est... Non, tu te dis, mais ces gens-là, ils craignent pas Allah, azzawajal, ce qu'ils racontent. C'est un délire total, là. Yani, ça te... Plutôt hérisser les poils. C'est plutôt ça, exactement. Barakallahu fik. Mimma yusammi karamat al-awliya. Parce qu'ils disent que ce sont des karamates, soi-disant des karamates, des honneurs qu'Allah Azza wa Jalla aurait donné à ces awliyas là. D'accord ? Wa annahum yunqidhuna min al-bihar, et qu'ils sauvent les gens de la mer. Attention, hein. Wa annahu yamud yadahu ila al-bahr wa yahmil al-markab kullahu wa yukhrijuhu ila al-bar wa la tatanadda akmamahu. Subhanallah. Il dit, ce qu'il mentionne hein, dans ce livre-là, Tabaqat Sha'ran, il dit en fait, eux, ils disent, les Aulia, qu'est-ce qu'ils font pour sauver les gens de la mer, parce qu'ils sont en difficulté? Ils mettent leurs mains comme ça dans l'eau, en prenant tout le bateau, là, d'accord? Il y en a ceux qui portent les gens, là, que ce soit le bateau ou là, peu importe là, quel type de navire, voilà. Ils portent, d'accord, de l'eau comme ça, sans même humidifier leurs manches. Tu vois? Il a dit, et il est sort donc de la mer, donc sans humidifier leurs manches. Il a rire d'alika min turahatihim wa khurafatihim, et autre chose comme ça, comme ces histoires et ces faussetés. Fashirkuhum da'imun fi ar-raha wa ash-shiddah. Donc leur shirk, leur associationnisme, est constant, que ce soit dans la difficulté ou dans la prospérité. Fahum aghladh min al-mushrikin al-awwalin, et ils sont pires que les polythéistes précédents. Donc ce livre là que je vous mentionnais, Tabaqat al-Sha'rani, a'oudhu billah, yani a'oudhu billah, c'est vraiment je feuilletais ça hier soir, et c'est a'oudhu billah, mais c'est vraiment Ibn Arabi. Alors, Ibn Arabi, vous commencez à le connaître un peu, là. On l'avait déjà mentionné plusieurs fois. Alors, il faut différencier Ibn Arabi al-Maliki. Lorsque vous lisez Ibn Arabi al-Maliki, ça, c'est un grand savant parmi les plus prédécesseurs. Mais Ibn Arabi le Soufi, ça, c'est un kafir murtad. Donc, les gens qui prennent cet apostat, ce kafir de savant, ça, c'est que c'est un jahl qui dit ça. Quelqu'un ne connaît pas Ibn Arabi. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, c'est un étudiant, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Il dit, هذا الرجل, sur Ibn Arabi, قال كلاما, إن لم يكن هذا الكلام كفرا عينه, فليس في الدنيا كلها كفر. Subhanallah. Il a dit, cet homme-là, Ibn Arabi, a dit des paroles, que si ces paroles-là ne sont pas de la mécréance claire, alors il n'y a pas de mécréance dans ce bas monde. T'imagines, a'oudhu billah. Ibn Arabi yaqul fi al-fusus, dans son livre Al-Fusus, il dit: "Wa ma al-kalb wa al-khinzir illa ilahuna." A'oudhu billah. Il dit, le chien et le porc ne sont que notre Dieu. A'oudhu billah. Il dit, le chien et le porc, que ce soit le chien ou le porc, c'est notre Dieu. Parce que, ce que je vais détailler par la suite, ce qu'on avait expliqué avec... Allah est partout. Wahd c'est le wujud. Celui qui adore la vache, il adore Allah. Celui qui adore... D'accord ? Yaqul ibn Arabi. Et là, on va comprendre en fait pourquoi en fait ils utilisent les awliyas pour dire, regardez les karamates qu'ils ont. Il peut mettre sa main, soulever un bateau entier, sans humidité. Yani, est-ce qu'on arrive à penser un bateau ? On est parti au bled, oui. T'as déjà pris le bateau dès que t'es parti au bled, là. T'as déjà vu des bateaux. Yanni, tu vois, ta main, je veux dire, fait. Elle fait même pas le centième du bateau. Alors eux, ils mettent leurs mains comme ça dans l'eau, ils soulèvent le bateau sans humidifier leurs manches. Ils disent aux gens, lorsque vous êtes dans les difficultés, invoquez-nous. Et donc, c'est là où est-ce que c'est mentionné qu'il fait comme ça, hop, il soulève et il les sauve, sans humidifier ses manches. D'accord ? Il y a plusieurs choses qui sont mentionnées. Donc là, Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il dit ? Je parle d'Ibn Arabi, je vais revenir sur ce livre-là. Ibn Arabi, il dit, Maqam an-nubuwwah, dans un de ses poèmes, d'accord ? Il dit, Maqam an-nubuwwah fi barzakh, le statut de la prophétie est dans un lieu, d'accord ? Fouwayq al-rasoul wa doun al-wali. Au-dessus, ce sont les messagers d'Allah. D'accord ? Et au-dessus, ce sont les awliyas. Donc, ils ont rendu en fait les awliyas plus haut que les prophètes et messagers. Donc, en fait, dès qu'on comprend en fait ce poème-là d'Ibn Arabi, ce kafir-là, qui a dit des choses en haut de Bellet que je vais vous mentionner par la suite, parce qu'à chaque fois, on parle des petites, mais il faut que là, ce soit bien clair. Puisque dans ces quatre règles-là, on comprend la croyance des mouchikines, elle est basée sur quoi ? Et là, maintenant, on comprend en fait la chobra avec laquelle ils viennent. Pourquoi en fait ils disent que... Pourquoi il dit, ce kafir-là d'Ibn Arabi, pourquoi il dit que les aouliens sont au-dessus des prophètes et des messagers ? Pourquoi ? Pour que comme ça, s'il fait quoi que ce soit, le wali, t'as pas à lui parler. Pourquoi ? Regardez les choubouettes qu'ils utilisent. Ils utilisent le verset dans Sourate Al-Kahf. Vous savez, dans Sourate Al-Kahf, lorsque Moussa alayhi salam, qui est un nabi et un prophète et messager d'Allah, qui a rencontré le Khidr, d'accord ? Eux, ils disent que lui, c'est un wali dans leur sens à eux, c'est-à-dire il est au-dessus du prophète. Pourquoi ? Parce que Moussa alayhi salam ne faisait que le suivre et ne faisait que l'écouter. Alors que selon la majorité des gens de science, c'était un prophète, le Khidr. D'accord. D'une part. D'autre part, c'est que... C'était pas un messager, c'était un prophète. D'autre part, c'est qu'il ne faisait pas partie de la communauté de Moussa, alayhi salam. Moussa, alayhi salam, il a été envoyé à sa communauté. Il n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Il a été envoyé à sa communauté. D'accord ? Donc ceux qui veulent utiliser qu'il y a le droit de sortir de la législation du prophète, alayhi salam, comme le Khidr est sorti de la législation de Moussa, alayhi salam, on leur répond que Al-Khidr ne faisait pas partie de la communauté de Moussa. Mais là, aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Donc, personne ne peut dire que j'ai le droit de sortir de là. D'accord ? Voilà, Clovic. Donc, et selon la majorité des savants, c'est que c'est un prophète. D'accord ? Puisque Allah azza wa jal lui a révélé une science que Moussa alayhi wa sallam n'avait pas. D'accord ? Et donc, eux, en disant qu'en fait, le wali, il est au-dessus de tout cela, c'est pour se permettre de faire ce qu'ils veulent et que tu n'as pas le droit de le mentionner. Dans ce livre-là, Tabaqat al-Sha'rani, que je vous mentionnais, alors, il y en a un dans lequel l'auteur dit, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Il dit, il faisait la pratique des gens de Lout avec un âne. Et il écrivait, radiallahu anhu. Donc moi, je veux bien que les gens, ils viennent, ils parlent, ils commencent à dire, mais attends, mais de quoi ils parlent? Mais soit, comme l'imam al-Dhahabi dit, soit on parle avec science, soit on se tait par sagesse. Elle m'a dit, parce qu'on ne connaît rien, et puis on a de l'amour avec ignorance pour un tel, parce qu'on croit qu'il est bien, c'est pas comme ça qu'on comprend les choses et qu'on apprend. Mais le pire, c'est que croire que yani, les gens que je connais qui sont dans la défense aveugle d'Ibn Arabi, ils ne connaissent rien d'Ibn Arabi. Juste, ils ont lu une petite poésie qui a fait... Oh là là, mais c'est un philosophe, un poète, je sais pas quoi. A'oudou billah, a'oudou billah. Alors... Je veux dire que le cochon est Dieu. Naam. Je t'avais dit qu'il y avait un groupe, justement, ils allaient sur le bord de la mer, hein, sur le bord de la plage, pour invoquer Sidna Sidr, parce qu'ils disent qu'il est en mer. Oui, subhanallah. Yani, voilà, donc ça c'est du shirk, a'oudou billah. Et c'est comme, vous en souvenez, dans les six fondements, ce que disait Cheikh Mohamed Al-Jami, rahimahullah, lorsqu'il disait qu'il avait quitté l'Éthiopie pour se rendre en Arabie Saoudite. Et ce qu'il y avait, c'est que durant son trajet, il y a eu les gens, le bateau a commencé à, comme si qu'il allait chavirer, quoi. Et les gens, et comment? On dit tanguer, barakallofik. Tanguer, non, je. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? Ils se sont mis à invoquer les divinités de la mer. Ils disent des divinités dans la mer, on les invoque. Il a dit, il les a vus et il les a entendus dire ça, subhanallah. Au lieu de dire Ya Allah, ils n'ont même pas dit Ya Allah, ils sont mis à invoquer les divinités de la mer. Donc, A'udhu billah. Hadha ibn Arabi, donc il te dit cela. Pour que, eux, lorsque tu lis Tabaqat al-Sha'rani, de l'Hallaj et tout cela là, eh bien, tu n'as pas comme ça à dire, ah non, lui c'est un. Lui, comme ça tu diras, lui c'est un Aulia, je ne peux pas parler sur lui. S'il a fait ça, c'est parce que c'est un miracle ça. Donc, Ibn Arabi, regardez ce que disait, et là j'ai récupéré en fait une partie d'un des livres écrits par un savant de Médine qui est Cheikh Mohammed Ibn Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, Hafidhahullah, qui a mentionné les sources de ce que écrivait Ibn Arabi. A'oudhu billah. Ah oui, parce que j'ai sorti les pages de son livre. Ah voilà, c'est là. Barakallahu fik. Les livres qui sont dangereux. Ah, mais ça. Tu vois, la personne a dit, mais non, je lis, je prends ce qui est bien, je délaisse ce qui n'est pas bien. Mais subhanallah, yani, les ulama ont interdit de lire les livres des innovateurs. Ils ont dit, le seul cas où est-ce que c'est permis, c'est l'étudiant en sciences pour réfuter leur innovation, ou les gens de l'innovation. Mais quelqu'un comme ça, il dit non, mais... Ou bien, il y a quelqu'un, un prédicateur qui est connu, qui vient, qui n'est même pas sur la sunna, et les gens, ils disent, oh, ben non, je vais l'écouter, je sais distinguer, je vais prendre que le bien, et je vais... Il va te venir avec une de ces choubas qui va te planter dans ton cœur, subhanallah, tu ne vas pas le voir venir. Hein. Ah oui, c'est ça. Comme l'imam Barbahari, rahimahullah, qu'est-ce qu'il disait? Dans Sharh al-Sunna, il dit, les gens de l'innovation, c'est comme le sable que tu marches dessus, là. Tu vois le sable, c'est doux, tes pieds nus, c'est doux. Donc tu marches comme ça, et puis hop, il te sort comme le scorpion là, son épine dessous le sable, et il te pique avec son innovation. Hein? Donc. Tu comprends en fait la division de cette combat en fait. Hein? Ah mais c'est ça, mais Harry, on leur dit, venez, on se réunit. Vous voulez que la communauté soit unie? Ok, venez, on se réunit sur le haq. Les gens, ils veulent pas. Réunis sur le haq, ça veut dire quoi? Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent, tu le comprends comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Tu me ramènes pas ta petite explication là, du verset en l'isolant et en disant c'est ça que ça veut dire. Subhanallah. Et vous allez voir en fait ce qu'utilise Ibn Arabi comme verset pour dire que Pharaon c'était un croyant et qu'il est mort sur la foi. A'oudhu billah. Donc, Wahdat al-Adiyan inda Ibn Arabi. D'accord? Donc ça c'est Haqiqat al-Sufiyya. C'est extrait du livre de Haqiqat al-Sufiyya de Cheikh Mohammed Ibn Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, Hafidhahullah. Donc il dit l'unité de la religion, l'unité des religions, ce qu'on avait vu dans les cours précédents. Là. Ouais, le statut de l'unité des dogmes, l'unité des religions. D'accord, c'est ce qu'ils veulent justement en ce moment. C'est pour ça qu'ils veulent utiliser les soufis sur ça. Ibn Arabi. يقر جميع المشركين والوثنيين أنهم على حق لأن الله كل شيء فمن عبد صنما أو عبد الحجر أو شجرا أو إنسانا أو كوكبا فقد عبد الله فيقول في ذلك والعارف المكمل من رأي كل معبود مجلل الحق يعبد فيه ولذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك. Et ça c'est dans le livre d'Ibn Arabi qui est Fil Fusus. Donc qu'est-ce qu'il dit? Et d'ailleurs ce livre-là, Inch'Allah, dès que je termine le travail sur l'autre livre que je suis en train de traduire, je vais traduire ce livre-là dans sa totalité, 42 pages Inch'Allah, et ça clarifiera tout sur la réalité de ce qu'ils sont. Il dit, Ibn Arabi a soutenu que tous les païens et les adorateurs d'idoles étaient sur la vérité, car Allah est selon son avis tout. Allah c'est tout. Par conséquent, quiconque a adoré une idole ou a adoré une pierre, un arbre, un humain ou une étoile, il a adoré Allah. Il dit à propos de ceci, là c'est dans le livre, à la page 190, Al-Fusus d'Ibn Arabi. D'accord ? Donc comme ça, pour ne pas dire qu'il n'a pas dit, c'est son livre. Alors la personne qui a une compréhension complète est celui qui voit tous les objets de culte comme une manifestation de la vérité qui y est contenue, pour laquelle il est adoré. Je répète, la personne qui a une compréhension complète, a'oudou billah. Moi, le truc qui me fait... Enfin, on ne sait pas si on doit sourire, voilà, on doit pleurer, voilà. Allah Moustahan, pour voir l'égarement dans lequel. La chose qui me fait sourire, ce sont les gens qui se prétendent soufis et tout cela, qui disent oh, j'aime les poésies, la littérature et tout cela, ils prétendent l'être, je ne sais pas quoi. Et lorsqu'ils lisent comme ça, oh, c'est beau. A'oudou billah. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ? Alors la personne, regarde Ibn Arabi, alors la personne qui a une compréhension complète, et celui qui voit tous les objets de culte comme une manifestation de la vérité qui y est contenue. Ça veut dire toute chose qui y est adorée. La personne qui a la compréhension complète, hein, tout ce qui est adoré, eh bien, il la voit comme une chose qui contient la vérité. D'accord ? Qui contient la vérité. Pour laquelle il est adoré. Par conséquent, ils l'appellent tous un dieu, avec son nom particulier. Qu'il s'agisse d'une roche, d'un arbre, d'un animal, d'une personne, d'une étoile ou d'un ange. Page 190, Al-Fusus. D'accord ? Donc ensuite, il dit le cheikh, Hafidhahullah, Fibn Arabi, يصوب عبادتهم لأن كل ما عبدوه ليس إلا ربا تجلى في سورة إنسان أو شجر أو حجر. Donc il dit le cheikh là, par conséquent, il déclare, Ibn Arabi déclare que leur culte d'idole est correct, puisque tout ce qu'ils adorent n'est que le Seigneur apparaissant sous la forme d'un humain, d'un arbre ou d'une pierre. D'accord ? Est-ce que ça a été clair, non ? Vous voyez comment il dit que ce qu'ils sont en train d'adorer, c'est clair, c'est correct. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils adorent, c'est que le Seigneur. Mais il apparaît soit sous une forme d'humain, soit sous une forme d'un arbre, soit sous une forme d'une pierre. Il précise bien, dans ce qu'il dit, celui qui a la compréhension complète. Voilà. Alors nous, si on ne croit pas en ce qu'il dit, on n'a pas la compréhension. Et voilà, et ben c'est ça, c'est ce qu'il va te dire. Il va te dire, toi, t'es à l'horizontale. Ouais, toi, t'es à l'horizontale, avec ta aqida, ton fiqh, sharia, ça. Toi, t'es à l'horizontale. Nous, on est à la verticale. Nous, on est à la verticale, on est direct. Ah, oui. Tu vois ? Après, dans ce qu'il a dit, c'est vrai qu'il donc, place les walis au-dessus des prophètes, pour ceux qui ont une compréhension complète. Donc on voit A'oudou billah. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ? Il dit Ayyuhal ikhwa, fa'idha كفرت الصابئة لأنهم عبدوا الكواكب وكفرت اليهود لأنهم عبدوا العجل وكفرت النصارى لأنهم عبدوا عيسى وكفرت قريش قبل الإسلام لعبادتها الأصنام فكيف لا يكفر من يدعو إلى عبادة كل هذه الأشياء. Donc il dit le cheikh Mohammed ibn Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, il dit oh mes frères, si les sabéens étaient des mécréants parce qu'ils adoraient les étoiles. Allah Azza wa Jalla a mentionné qu'ils étaient des kofars. Parce qu'ils adoraient, pourquoi ? Parce qu'ils adoraient les étoiles. Et les juifs étaient des mécréants parce qu'ils adoraient le veau. Et les chrétiens étaient des mécréants parce qu'ils adoraient Isa, alayhi salam, Jésus. Et les Quraysh étaient des mécréants avant l'islam parce qu'ils adoraient les idoles. Alors la question qu'il pose le shir, il dit, comment donc celui qui appelle à l'adoration de toutes ces choses n'est pas un mécréant ? Subhanallah. Hein? Ensuite, il dit ويعترف ابن عربي بإيمانه بوحدة الأديان. Ibn Arabi reconnaît, il reconnaît lui-même, d'accord, sa foi, sa conviction que toutes les religions ne sont qu'une. D'accord? وأن قلبه يتسع لكل ملة ودين فيقول في كتابه. Et il dit que son cœur est prêt à embrasser toute secte et toute religion. Il dit dans son livre, Alors, ça, c'est dans son livre qui est Dakhair al-A'laq, Sharh Tarjuman al-Ashwaq. Il dit à la page 93: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي. Avant ce jour, je critiquais mon compagnon. إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. Si ma religion n'était pas celle qu'il suivait. Donc il disait: avant, je critiquais mon compagnon si ma religion n'était pas celle qu'il suivait. لقد صار قلبي قابلا كل صورة. Mais mon cœur a changé pour accepter chaque image. فَمَرِعَ لِغِزْلَانِ وَدَيْرِ لِرُهْبَانِ. Et donc des pâturages pour les amants et les couvents sans souci pour les moines. Mais mon cœur a changé pour accepter chaque image. Donc il disait: avant, je critiquais, avant ce jour, je critiquais mon compagnon si ma religion n'était pas celle qu'il suivait. Mais mon cœur a changé pour accepter chaque image, donc des pâturages pour les amants et les couvents sans souci pour les moines. وَبَيْتَ الْأَوْثَانِ وَكَعْبَ الطَّائِفِ. Une maison des idoles et de la maison d'idoles à Taif. وَأَلْوَاحَ تَوْرَاتِ وَمَصْحَفْ قُرْآنِ. Les tablettes de la Torah et le livre du Coran. Udin bidin al-hub anni tawajjahtu. Je suis la religion de l'amour partout où elle me prend. Raka'ib fal-hub dini wa imani. Alors toutes les religions sont ma religion et ma croyance. A'oudhou billah. Dans quel état ils prenaient quoi? Je sais pas. Je sais pas, mais dans le livre Tabaqat Sha'ran, il s'était mentionné qu'il y avait un wali, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, il disait, eh bien, il était souvent sous, subhanallah. Donc, je sais pas comment ces gens-là. Non. En gros, si j'ai bien compris, donc, ce qu'il dit, c'est que tous ceux qui ont précédé l'islam, les adorateurs, les étoiles, du veau, ils adoraient en fait Allah. Voilà, indirectement et par. Ils adoraient parce qu'il dit en fait, il dit parce que la vérité. Et dans chaque créature. Indirectement, il nous dit que nous, dans l'islam, on est dans l'erreur. Justement, c'est ce qui va suivre. Ou est-ce que là, il va te dire, il ne faut pas que tu te restreignes à une seule croyance. D'accord. Il faut que tu crois. Mais son cœur, il a changé pour lui, donc il accepte maintenant les... Non, mais il l'a dit. Il a dit avant, il voyait comme son compagnon, que s'il ne suivait pas sa religion. Et puis là, maintenant, non, mais mon cœur a changé pour accepter chaque image. Et donc, il dit... Une maison des idoles et de la maison d'idoles à Taïf, les tablettes de la Torah, le Mus'haf du Qur'an. Je suis la religion de l'amour partout où elle me prend. Alors toutes les religions sont ma religion et ma croyance. C'est bien tous nous égarer. A'oudhu billah. Il devait prendre, je ne sais pas, ma ville. Wa yuhadhir ibn Arabi atba'ahu an yu'minu bidin khas. C'est ce que tu mentionnais. Donc Ibn Arabi met en garde, c'est ceux qui le suivent, de ne croire qu'en une seule religion, qu'en une religion particulière. D'accord. Et que donc il les met en garde de ne croire qu'à une seule religion particulière et de mécroire en tous les autres. Fayaqul fil fusus, il dit Ibn Arabi dans son livre Al Fusus. Fayaka an tataqayyad bi'aqd makhsus wa takfur bima siwa fayufawwituka khayr kathir. بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه فكن في نفسك. أعوذ بالله. Il dit: prends garde de ne te restreindre à une croyance particulière et de mécroire en tout le reste, de sorte que tu rateras un énorme bien. En effet, tu manqueras l'atteinte à la connaissance des affaires sous la forme qu'il est. Et il dit: أي قابلا لصور المعتقدات كلها فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصر عقد دون عقد فالكل مصيب والكل مصيب مأجور وكل مأجور سعيد وكل سعيد مرضي عنه. Regardez comment il dit: prends garde de ne te restreindre à une croyance particulière et de mécroire en tout le reste, de sorte que tu rateras un énorme bien. En effet, tu manqueras l'atteinte à la connaissance des affaires sous la forme qu'il est. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si tu te restreins à croire juste, par exemple, tu crois juste au din, à la religion d'Allah, l'islam, tu vas passer à côté de plein de choses. A'oudou billah. Hein? Il te dit, tu vas passer à côté de plein de choses. Tu manqueras l'atteinte à la connaissance. Ce qu'ils disent, l'haqiqa, l'haqiqa. Tu vois, la réalité, la vérité. Yani, subhanallah. Ensuite, il dit quoi? Il dit, c'est parce qu'Allah est plus haut et plus grand que d'être restreint par une croyance aux exclusions des autres. La ilaha illallah. Il dit quoi ensuite? Plutôt, tout est correct. Et tout ce qui est correct est récompensé. Et tous ceux qui sont récompensés ont de la chance. Et tous ceux qui ont de la chance sont ceux avec qui il, yani Allah, est satisfait. A'oudou billah. Yani, moi je ne comprends pas. Soit les gens ne connaissent rien de la soufia et d'Ibn Arabi et puis de la Hallaj et tout cela, ils défendent. Soit ils parlent sans science. Et parler sans science, c'est très grave. C'est pire que commettre du shirk. Parce que commettre du shirk, la personne ne se nuit qu'elle-même. Mais parler sans science, c'est que tu vas égarer du monde. En haut de Billah. C'est ça. Allah al-Musta'an. Qu'est-ce qu'il dit? Walidhalika. Le Cheikh Mohammed bin Rabi' bin Hadi al-Matkhali dit: Walidhalika. Fibn Arabi yahkum bi najat Fir'aun Musa wa yaqul mu'aqiban ala qawlihi ta'ala qurratu 'ayn li wa lak. Alors il dit que Ibn Arabi juge que Pharaon a été sauvé par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal l'a sauvé. Regardez, c'est ce que je disais, et ça c'est la technique des mubtadi'a, des innovateurs. Ils te prennent un verset sans comprendre. Hein. Ils le prennent et puis ils vont l'utiliser à leur propre gré. Le verset où, ça c'est dans sourate Al-Qasas, lorsque la femme de Pharaon dit, dans la traduction au sens du verset, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. » Concernant Moussa, alayhi salam. La femme de Pharaon dit à Pharaon, « Cet enfant, yani Moussa, réjouira mon œil et le tien. » D'accord? Que par Moussa, donc, Pharaon, donc, a été sauvé. Qu'est-ce qu'il dit? « Fabihi qarrat aynuha ay emrat Pharaon. » Donc, parce que qu'est-ce qui est voulu par là? C'est l'œil de la femme de Pharaon qui a été réjoui, d'accord? Par la vue de Moussa, alayhi salam, d'accord? Bil kamil alladhi hasala laha wa kana qurrat ayun li Pharaon bil iman alladhi ataahu Allah 'inda al gharq fa qabadahu tahiran mutahharan laysa fihi shay'un min al-khabath. A'oudhu billah. Ibn Arabi qui dit l'œil de la femme de Pharaon donc a été réjoui. Et comment il a été réjoui aussi Pharaon? C'est parce que Pharaon a eu la foi qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée lorsqu'il était en train de se noyer. D'accord? Et Allah Azza wa Jal a fait que Pharaon est devenu pur. D'accord? Est devenu pur et il ne contenait aucune impureté. Et il ne contenait aucune impureté. فَهُوَ يَحْكُمْ لِفِرْعَوْنَ بِالْإِيمَانِ. Donc le shaykh là il dit quoi? Il dit, donc là Ibn Arabi juge que Pharaon a la foi. A eu la foi. D'accord? مُخَالِفًا لِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Il dit cela, mais il oppose le verset du Coran. D'accord? Fi ayat kathira minha qawluhu ta'ala, dans plusieurs versets. Où Allah Azza wa Jal dit, concernant Pharaon, fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal-ula. Et là, ce qu'il y a, là, c'est ce qu'avait mentionné ce verset-là. Et moi, j'ai repris tous les versets de Sourate An-Nazi'at pour qu'on comprenne Ce verset-là, il correspond à quoi? Donc, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate An-Nazi'at, « Hal ataka hadithu Moussa ?» Le récit de Moussa était-il parvenu? « Idh nadahu rabbuhu bil wadi al-muqaddasi Touwa » Quand son Seigneur l'appela dans Touwa, la vallée sanctifiée. Là, les versions, ce que je dis en français, c'est la traduction du sens des versets. اذهب الى فرعون انه طغى va vers Pharaon, Pharaon, vraiment il s'est rebellé. C'est Allah Azza wa Jalla qui dit ça. فقل هل لك الى ان تزكى puis dis-lui, Allah Azza wa Jalla dit à Moussa alayhi salam de dire à Pharaon, dis-lui, voudrais-tu te purifier? واهديك الى ربك فتخشى et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى il lui fit voir le très grand miracle. فَكَذَّبَ وَعَصَى qu'est-ce qu'il s'est mis à faire Pharaon? Il le qualifia de mensonge et désobéit. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسَى ensuite il tourna le dos, s'en alla précipitamment. فَحَشَرَ فَنَادَى il rassembla les gens et leur fit une proclamation. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى il dit, Pharaon, il dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Et là, c'est ce que le verset que le cheikh avait mentionné, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Et Allah Azza wa Jal dit ensuite, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Et lui, il dit, Ibn Arabi, il est mort purifié. Pharaon, ce kafir, ce tarout, il dit qu'il est mort purifié, pur, avec la foi. Vous voyez? Et ça, c'est la technique des khawarij, des soufis, de tous les mubtadi'a. Ils vont te prendre un verset. Ils vont te dire et ils vont l'expliquer à leur petite façon. Ouais, on l'adapte. Voilà, subhanallah. C'est vraiment des dégâts phénoménales. Je vais terminer sur cette partie-là là, de ce livre-là. Là. Ensuite, on va continuer sur là. Il dit, le cheikh, « Wa yaqul Abdel Karim al-Jili al-Mutawaffa sanat 38 al-Hijra » Il dit Abdel Karim al-Jili qui est décédé en 830 calendrier de l'Hijra. مبينا عقيدته بوحدة الأديان وذلك في كتابه الإنسان الكامل dans son livre الإنسان الكامل l'homme complet. Cet homme là Abd al-Karim al-Jili qu'est-ce qu'il dit confirmant sa croyance de l'unité des dogmes des religions. Il dit أعوذ بالله. En fait c'est le livre ensemble quelque part. Voilà pourquoi ils utilisent le soufi. Allah al-Musta'an. Il dit « Wa aslamtu nafsi haythu aslamani nafsi » pardon « Wa aslamtu nafsi haythu aslamani l'hawa » je m'abandonne donc à tout ce que mes désirs m'ont abandonné. « Wa mali an hukm al-habib tanaza' » comment puis-je contester le jugement d'un bien-aimé ? Yani, ses désirs. D'accord ? فَطَوْرًا تَرَانِ فِي الْمَسَاجِدْ رَاكِعًا parfois, vous pouvez me voir m'incliner dans les mosquées. وَإِنِّي طَوْرًا فِي الْكَنَائِسِ رَاتِعًا et parfois, et d'autres fois, je trouverai l'abandon dans les églises. أعوذ بالله. إِذَا كُنْتُ فِي حُكْمِ الشَّرِيعَ عَاسِيًا si dans le jugement, du point de vue de la sharia, je suis un pécheur, فَإِنِّي أعوذ بالله. Mais qu'est-ce que c'est cet égarement? Il dit fa inni fi ilm al haqiqa ta'i'. Il dit dans donc si dans le jugement du point de vue de la sharia, je suis un pécheur selon la connaissance de la vérité de la réalité, je suis un obéissant. De sa réalité à lui. Voilà. Tabarakallahu fikoum. Comment on peut savoir que quelqu'un est un obéissant et quelqu'un est un pécheur? Comment on peut le savoir ça? C'est quoi notre balance? Ah, Allah, le Coran et la Sunna. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a interdit ceci, Allah azzawajal a permis ceci. Là, on peut savoir les choses qui sont halal, les choses qui sont haram. C'est pas, il s'est abandonné à ses passions, à ses désirs. Une fois il est dans la mosquée, une fois il prie dans les églises, une fois a'oudou billah. Et aujourd'hui, les gens se revendiquent soufis. Il accepte tout, en fait. Yani, moi, je comprends pas, Eri barakallahu fikum. Quelqu'un qui crée Allah, tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu veux mourir cette aqida, ce minhaj munharif, mubtadi'a, des soufis, subhanallah. Et les gens, ils ont une haine. Non, faut pas parler. Comme Mara fil khutba, dès que j'avais dit ce kafir d'Ibn Arabi, wahid, astaghfirullah, astaghfirullah. Il connaît rien d'Ibn Arabi, yana. Wahid, il était assis là-bas, il disait astaghfirullah. J'ai dit subhanallah. En fait, c'est comme une sorte d'idolâtrie parce qu'il est. Yani, est-ce qu'il comprend qui est Ibn Arabi? Est-ce qu'il a lu ses livres? Est-ce qu'il a. Yani, subhanallah. Il a un culte. Il a un culte. Oh non, attention, faut pas parler sur lui. Parce qu'il idolâtre quelque part. Et les gens, ils croient que c'est un savant, c'est un apostat. A'oudhu billah. Ça, c'est concernant Ibn Arabi. Ça, c'est concernant Ibn Arabi. Mais toi, tu sais, tu connais plus de choses sur lui que celui qui croit en lui. Allah le musta'an. Qu'Allah augmente notre savoir et qu'Allah nous guide et nous maintient sur la haqqani. Al-Hallaj, qui est défendu par les soufis. Il y avait un imam, un coup, il a été questionné sur le Hallaj. Il avait dit, ça c'est un zindiq, c'est un pervers. Et c'est un kafir, Al-Hallaj. Un soufi, il s'est mis à dire, il lui a fait un problème. Il s'est mis à crier. Et qu'est-ce qu'il connaît, Al-Hallaj? Subhanallah. Qui est Al-Hallaj? Al-Hallaj, c'est Hawa Al-Hussein bin Mansour Al-Hallaj. C'est ça son nom. Khalata jama'at min al-Soufiya. Il a commencé à traîner avec les Soufiyas, les Soufis. À se soir avec eux et tout cela. Rahala ila bilad kathira. Il a voyagé dans beaucoup de pays. Minha Mecca wa Khurasan. Notamment, il y a Mecca et Khurasan, c'est ce qui est l'Europe de l'Est là. والهند يعني لغة دولاست أفغانستان كان إمام بخاري نعم والهند إلى أوسي فياجي والهند وتعلم السحر بها أي إلى أبري لا سورسيلري lorsqu'il était parti en Inde وأقام أخيرا ببغداد وبها قتل et ensuite il s'est mis à résider à Bagdad en Irak et c'est là-bas où est-ce qu'il a été tué تعلم السحر بالهند donc il a appris la sorcellerie en Inde. Et il était connu pour être quelqu'un qui trompait les gens et qui était un traître. Il a trompé beaucoup parmi les ignorants, parmi les gens. Donc il a appris donc la sorcellerie en Inde. Il était connu pour trahir les gens et tromper les gens. D'accord ? Ça, ce que je vous mentionne là, ça, c'est vous le trouvez dans Al-Bidayah wa Al-Nihayah de l'imam Ibn Kathir. Et c'est dans les pages. Alors, le Bidayah wa Nihaya. Donc, dans le volume 11, page 172. Parce que là, il y a description de qui il est. Et donc, lahu qabul 'inda 'ammat al-mustashriqin. Et ça, subhanallah, et ça, c'est une vérité. Il est accepté par de nombreux orientalistes. Aujourd'hui, de nos jours, des gens qui veulent expliquer. Ils expliquaient. Wa ma salabuhu. Et ils ne l'ont pas crucifié. Hein? Et ils ne l'ont pas tué avec certitude concernant Isa alayhi salam. D'accord? Ils ne l'ont pas crucifié, il n'a pas été tué. Quelle était la référence de ces orientalistes pour justifier que le Coran il disait que Isa a été crucifié alors que non? Allah Azza wa Jalla dit qu'il n'a pas été crucifié. Il a dit non, il ne faut pas qu'on comprenne le verset comme ça. Subhanallah, tu lis Allah Azza wa Jalla dit il n'a pas été crucifié, tu me dis il ne faut pas dire qu'il n'a pas été crucifié? Ils ont dit, El-Hallaj a dit que Jésus a été crucifié. Ce zindir, ce kafir, il te dit ça et toi tu crois que c'est une référence pour nous les musulmans. Subhanallah. Regardez ce qu'il dit. وَيَظْهَرُونَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ قُتِلَ مَظْلُومًا. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Les orientalistes, ils disent qu'il a été tué injustement. Injustement. وَذَلِكَ لَمَّا سَيَأْتِي من أن اعتقاده قريب من اعتقاد النصارى ويتكلم بكلامهم. Pourquoi cela? Pourquoi eux ils l'aiment bien? Pourquoi ils supportent? Pourquoi ils sont? Parce qu'en fait la croyance de l'Hallaj était proche de la croyance des chrétiens, tu vois? Et ils parlaient avec les paroles des chrétiens, d'accord? قتل ببغداد عام 309 هجريا. Donc il a été tué à Bagdad en l'an 309 de l'Hégire. بسبب ما ثبت عنه بإقراره وبغير إقراره من الكفر والزندقة. Les savants de l'Andalousie ont jugé Al-Hallaj de perversité et de mécréance. وأجمع علماء عصره على قتله. Les savants de son temps se sont unis, ont été d'accord, étaient unanimes qu'il devait être exécuté بسبب ما نقل عنه من الكفر والزندقة, par ce qui a été rapporté de lui concernant la mécréance et la perversité qu'il avait. وها هي بعض أقواله. Et voilà بعض أقواله, pardon. Et voici quelques-unes de ses paroles. أدعى النبوة, il a prétendu être un prophète. D'accord ? ثم ترقى به الحال أن أدعى أنه هو الله. Donc, il a prétendu être un prophète. Puis après, il a augmenté son niveau en disant que... Ah non, là, ça lui va plus la prophétie. Donc, il dit... D'abord, il se prétendait être prophète. Ensuite, il a dit qu'il était Allah. أعوذ بالله, استغفر الله. فكان يقول أنا الله, أعوذ بالله. Il disait aux gens, je suis Allah. وأمر زوجة ابنه بالسجود له. Et il a ordonné à la femme de son fils de se prosterner pour lui. فقالت, alors elle lui a dit, أو يسجد لغير الله. Est-ce que on se prosterne pour autre qu'Allah? فقال, il lui a dit alors, إله في السماء وإله في الأرض. أعوذ بالله. Il a dit, un Dieu au-dessus des cieux et un Dieu sur terre. Comme quoi, lui, c'est le Dieu sur terre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui s'adaptent Non, mais il y a des contemporains, 2017. Hein. Qui 2017, aujourd'hui, des féroces défenseurs de l'Hallaj. Hein. Wow. Ils disent qu'il a été tué. Ils ont dit que lorsqu'il a été tué, regardez tellement qu'il a été tué injustement. Lorsqu'il a été tué, le sang qui a giclé sur le mur, et ça c'est une histoire fausse, hein. Le sang qui a giclé sur le mur, ça a fait l'écriture Allah. Non, mais c'est le chiton, là, c'est les djoules. Mais comment, même cette histoire fausse a été réfutée? Elle a été réfutée en disant, parce qu'on sait que le sang, c'est une najas, ça, c'est une impureté. Avec l'impureté, on écrit Allah. Donc, dans tous les cas, qu'elle soit fausse ou pas, ça a été réfuté. Non, c'est une impureté. Donc, et donc, ce qu'il y a, c'est que... Ça, mais ça, c'est une histoire fausse. Bon, elle a été quand même réfutée, cette histoire fausse-là, pour enlever tout doute. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il lui a répondu ça. Ensuite, « Kana yaqul bil hulul wal ittihad. » Il disait la croyance qui est le panthéisme et le monisme. C'est-à-dire, tout ce qui est « wahdat al-wujud ». Ils disent que, en fait, Allah est dans la créature. D'accord? Et l'autre croyance, qui est similaire à celle-ci, ils disent que tout est Allah. D'accord? Tout l'univers. Donc ils jouent sur une nuance. Donc ils utilisaient les deux. Allah est dans la créature, astaghfirullah, et Allah est tout. Ça, ce sont les deux croyances que beaucoup de soufis ont aujourd'hui. A'udhu billah. Ay anna Allah ta'ala qad halla fihi. Que Allah azza wa jal est dans lui. Astaghfirullah. Wa sara huwa wa Allah shay'un wahid. Et il est devenu, lui et Allah, une seule chose. D'accord ? Parce qu'Allah est dans lui. Donc il est devenu un. A'udhu billah. Ta'ala Allah an dhalika 'uluwan kabira. Allah azza wa jalla est au-dessus de ses propos mensongers et faux. Wa hadha huwa alladhi ja'ala lahu al-qabul 'an al-mustashriqin an-nasara li'annahu wafaqahum 'ala al-hulul. Idh innahum ya'taqiduna fi 'Isa 'alayhi as-salam anna Allah ta'ala qad halla fihi. Et donc c'est pour ça qu'en fait les orientalistes sont d'accord et aiment al-Hallaj. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même croyance que les kuffars des chrétiens qui croient que Allah est dans Isa alayhi salam. D'accord? A'oudou billah. C'est du shirk. Mais ça c'est du shirk, c'est du kuffr, c'est de l'apostasie, c'est a'oudou billah. Aussi lamma dhuhiba bihi ila al-qatl qala li ashabi, lorsqu'il a été emmené. Donc lorsqu'il y a eu toutes ces paroles là, les savants d'Andalousie ont jugé que cet individu-là doit se faire exécuter pour les paroles qu'il a tenues et pour la croyance qu'il dit Et le fait qu'il dit que lui c'est Allah, et qu'il dit aux gens de se prosterner pour lui, et qu'il croit, A'oudou billah. Et donc lorsqu'il venait pour qu'il l'emmène pour qu'il se fasse exécuter, il a dit à ses compagnons, ne vous inquiétez pas pour moi. Donc il a dit, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais être tué, mais je vais revenir dans 30 jours. D'accord ? Mais il a été tué, mais il n'est jamais revenu. D'accord ? Il se prétend être Allah. فلهذا فلهذه الأقوال وغيرها أجمع علماء عصره على كفره وزندقته ولذلك قتل ببغداد عام 309 هجريا. Donc c'est pour cela que les savants de son temps ont été unanimes, et vous vous rappelez le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, لا تجتمع أمتي على الضلالة. Ma communauté ne s'unira pas sur un égarement. Et là, les savants se sont unis, ont été unanimes. Et la communauté, ce sont les savants. Les gens de science, Yarni. Il y a beaucoup avec une choubara, en fait, dans la soufia, c'est celle où, quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Qur'an que ne croyez pas qu'ils sont morts. Non. Mais ça, c'est. Il y a beaucoup les maturidis aussi qui viennent avec ça, c'est encore une autre secte, ça, qui refusent de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Non, mais ça, c'est le manque de science, ça. Ça, c'est le manque de science. Ce sont des gens, c'est comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, qu'est-ce qu'il avait dit ? En voyant les Jahmiyyah. Subhanallah, quelqu'un, les Jahmiyyah, ce sont ceux qui disent que le Coran est makhlouq. Celui qui dit ça, c'est un kafir. D'accord ? Créé. Voilà. Celui qui dit que le Coran est une création d'Allah, c'est un kafir. Parce que le Coran, c'est Kalam Allah. Et Kalam Allah, ça fait partie de quel type de tawhid ? Tawhid al-Asma aussi fait. Ça fait partie de l'Iman Billah, qui fait partie de Tawhid al-Asma aussi fait. Celui qui dit que le Coran est une création, il veut dire qu'un attribut d'Allah, Azza wa Jal, est une création. A'oudou billah. D'accord ? Donc ça, c'est un kafir, celui qui dit cela. Donc malgré qu'il tenait ces propos-là, al-Jahmiya, le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, a dit, si j'avais été à votre place, je me considérerais comme étant un mécréant. Mais vous êtes des ignorants. Donc, il n'aura pas fait le takfir, parce qu'il a considéré que c'était des ignorants. D'accord ? Et beaucoup, ils ignorent, ils lisent rien. Ils sont juste taqlid al-a'ma, Ibn Arabi, non, al-Hallaj, ils connaissent rien, ils n'ont rien lu. Ils n'ont pas ouvert un livre d'Ibn Arabi, ni d'Al-Hallaj. Hein, subhanallah. Et eux, c'est juste en fait des... comme les joueurs de foot. Oh, tel joueur. Ils connaissent rien ce jour-là. Ils savent pas s'il joue bien ou comment il joue. Juste, il a entendu les gens parler d'un tel. Honnêtement, c'est bien. Subhanallah. En plus, qu'est-ce qu'il disait, lui ? Qu'est-ce qu'il disait ? C'est comme moi avec le footballeur. Hein ? C'est comme moi avec le footballeur. C'est-à-dire ? Des fois, je me dis, mais si, je dis, oh, c'est un très bon joueur. C'est le... Non, mais c'est... voilà. Alors que tu sais pas comment il joue. Allah al-Musta'an. Donc, Allah al-Musta'an. Lui, qu'est-ce qu'il disait ? Il avait en fait aussi cette croyance-là, comme ils ont en fait d'autres polythéistes. Il dit que en fait les âmes en fait des prophètes, elles ressortent et elles vont dans un corps de quelqu'un de vous. Non. Donc il disait à ses compagnons : toi tu es Moussa, toi tu es Mohammed, hein ? Toi tu es. Non mais c'est devenu. Allah al-Musta'an. Là celui qui se prétend dans le coffre est soutenu à lui-même, mais là c'est l'égarement profond. Hein. A'oudou billah, mais. Yani, c'est pour ça qu'il faut remercier Allah Azza wa Jal. Quelqu'un, alhamdoulilah, qui comprend. Ah ouais, non, ça me rassure. On se tient sur quoi ? Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sahaba dit. Franchement, alhamdoulilah, je suis content. Pourquoi tu fais ça ? Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sahaba dit. Yani, c'est clair. Tu vois ? Montre-moi. Hein. Ok, le verset là. Tiens, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Alhamdoulilah. Il n'y a pas de choses mystiques. Il n'y a pas de... attention, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître, qui est caché quelque part, qu'il faut que tu aies atteint un certain niveau pour comprendre. Toi, tu ne comprends rien. Tu vois ? Allah al-Musta'an. Donc, qu'est-ce qu'il disait Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ? Man i'taqada ma ya'taqiduhu al-Hallaj min al-maqalat allati qutila al-Hallaj 'alayha fa huwa kafir murtad bi'ittifaq al-muslimin. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, quiconque croit à la croyance qu'avait al-Hallaj, la croyance pour laquelle il a été tué, qui croit cette croyance-là, c'est un mécréant par l'unanimité des musulmans. D'accord ? Fa innal muslimin innama قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من المقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله أنا الله وقوله إله في السماء وإله في الأرض أعوذ بالله. Il dit, lui il a été tué parce qu'il avait cette croyance là du panthéisme et du monisme et de yani de tout l'univers c'est Allah et Allah est dans tout le monde. A'udhu billah. Yani ça ce sont les deux croyances que certains ont. C'est wahdat al-wujud. Il te dit Allah il est partout. Tu dis il est où Allah? Il te dit Allah il est partout. A'udhu billah. C'est du coup ça. Voilà, ils te disent Allah il est partout. Il est où Allah? Allah il est partout. Mais je regarde l'arbre, c'est Allah. Je regarde ça, c'est Allah. A'udhu billah. Et ça c'est wahdat al-wujud, c'est faire que le créateur et la création ne font qu'un. Alors que dans Sahih Muslim, lorsque Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu avait giflé l'esclave, et il s'en est voulu, et il a dit, oh envoyé d'Allah, est-ce que je la libère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, l'a appelé, a appelé cet esclave-là, et lui a dit, Aïn Allah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a posé cette question-là. Sahih Muslim. Aïn Allah. Aujourd'hui, des gens refusent de lire ce hadith. Ils te disent, non, je ne veux pas lire. Il y a quelqu'un, il m'a dit, je refuse de rentrer dans cela. J'ai dit, Akhi, lis le hadith, je refuse. Subhanallah. Parce qu'il va se contredire. Lui, il ne veut pas dire où est Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, a dit, Aïn Allah. Elle a répondu, Fis Sama. Ça veut dire au-dessus des cieux. Fawq Sama. Ouais. D'accord ? Mais c'est de l'orgueil. Ensuite, bah oui. Ah oui. Ensuite, il lui a dit, Man ana, qui suis-je ? Elle a répondu, Anta Abdullah wa Rasulu. Il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il a dit, i'tiqha fa innaha mu'mina, libère-la car c'est une croyante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté que c'est une croyante parce qu'elle a répondu qu'Allah est au-dessus de la création et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète envoyé d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Question de la tombe. D'accord. Bah déjà si tu sais pas où est Allah, comment que qui est ton seigneur, tu connais pas Allah, comment veux-tu le craindre? La personne qui ne connaît pas Allah, comment veux-tu qu'elle craigne Allah? Donc il dit, pour toutes ces raisons-là, que ce soit le hulul, l'itihad, et toutes ces paroles qu'il disait, il se prétendait, le halaj, il disait aux gens qu'il était Allah, comme à la fille à la femme de son fils. Il lui a dit de se prosterner pour lui, elle lui a dit, pourquoi on doit se prosterner pour autre qu'Allah? Il lui a dit, moi je suis Allah. Il lui a dit, un Dieu au-dessus des cieux et un Dieu sur terre. A'udhu billah. Donc il a dit, tous ceux qui ont cette croyance-là, qui croient cela, pour laquelle il a été tué, eh bien c'est un kafir, à l'unanimité des musulmans. Et le halaj, كانت له مخاريق وأنواع من السحر. Le halaj avait plein, énormément d'égarements, et il utilisait beaucoup différents types de sorcellerie. وله كتب منسوبة إليه في السحر. Et il a plein de livres qui lui sont attribués concernant la sorcellerie. Pourquoi ils prennent ce genre de personnes-là chaque fois on entend, c'est vrai ce que tu dis, qui vont chercher la sorcellerie et apprendre la sorcellerie? Non, c'est... Oui, mais la sorcellerie en elle-même, c'est un grand péché. Allah Azza wa Jal dit « Man yahdihi Allah, fala mudilla lah, wa man yudlil, fala hadiya lah. » Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Akhi, tu peux lui ramener les preuves. Allah Azza wa Jal mentionne que même s'ils voyaient la mort leur parler, ils ne croiront pas. La mort, t'imagines, la mort qui leur parlerait, leur disant « Je suis la mort, regardez ce qui va se... » Ils ne croiront pas. Subhanallah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il scelle les cœurs d'un individu qui est arrogant, qui refuse le haq, il est conseillé mais il refuse, et il est arrogant et il combat le haq, il ne faut pas se plaindre qu'Allah Azza wa Jal lui scelle le cœur par la suite. A'udhu billah. Ça, c'est une fitna, ikhi. A'udhu billah. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا من العلماء ولا من المشايخ ولكن بعض الناس يقف فيه لأنه لم يعرف أمره. Il dit on ne connaît personne, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, il dit on ne connaît personne parmi les imams des musulmans qui ont mentionné le Hallaj avec du bien. Ils ne connaissent aucun imam ou bien des mashayikh qui ont mentionné le Hallaj comme étant quelqu'un de bien. Mais il a dit, mais certaines personnes ne disent rien sur lui parce qu'ils ne connaissent rien de lui. Parce qu'ils ne connaissent rien de lui. Donc ça, c'est ce que je voulais mentionner. Et là, on va terminer, inshallah, barakallahu fikum, sur... C'est à quelle heure, là? Je vois pas, j'arrive pas. Maintenant. Ah oui, ok. Je me dis, on est encore en avance, j'allais dire. J'allais dire, on est encore en avance. Barakallahu fikum. Donc, alors, là, c'était pour les... Pourquoi, en fait, je voulais insister sur cela? C'est-à-dire que, parfois, on en parle, on mentionne tout cela. Là, maintenant, on sait les pages, les livres, tout cela, ça se tient sur quoi? Parce que ça, comme ça, c'est avec la croyance des mouchriquines, des polythéistes. Les polythéistes, elles se croient sur quoi? Lorsqu'on comprend avec détail l'aqida des mouchriquines, déjà, on sait les pièges, ils sont où? Comme je disais, je mets des trous, là, dans la salle, là. Vous savez, les pièges, ils sont où? Tu les évites. Tu ne vas pas t'en approcher. Tu dis, ah non, je n'ai pas envie de tomber dedans. Hein? Donc, là ensuite, enfin, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il termine, inchallah, le shir avec cela. Déjà, si je retrouve mes pages. Allah al-Musta'an. Voilà. Donc, il dit... Il avait mentionné donc que voilà, les polythéistes contemporains de maintenant là, comparés aux autres, ceux d'avant, ils sont dans la facilité, dans la prospérité, ils invoquent autre qu'Allah. Yushrikuna fil racha. Ils sont dans la difficulté, ils s'en remettent à Allah. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Ils se mettent à invoquer Allah en étant sincères dans le culte qu'ils vouent à Allah Azza wa Jal. Alors que ceux de maintenant, ils font du shirk, que ce soit firraha ou la fichidda, dans les deux cas. D'une part, à cause de ces égareurs, de ces du'at ala ibwab jahannam, qui leur disent, comme on avait mentionné, comme le shaykh Salah Fawzan Hafidullah avait mentionné, qui disent à leurs disciples, lorsque vous êtes en difficulté dans la mer, invoquez nos noms, et nous, on viendra avec notre main, elle viendra, elle soulèvera le bateau sans humidifier nos manches. C'est quoi ces histoires? Et les gens, ils sont là, Masha'Allah, Subhanallah, Subhanallah, j'arrive pas à comprendre, moi. Il met sa main, il va la sortir. Et il va te dire quoi? Vous voyez avec la poésie de Ibn Arabi, le wali, il est au-dessus du prophète et du messager. Ah, mais c'est un wali, c'est normal. Allah, il lui donne des miracles. Mais comment se fait-il qu'il y a des milliers de personnes dans la mosquée du prophète Sassem alors que de ce temps-là, elle ne pouvait pas contenir des milliers de personnes? Comment se fait-il qu'il dit que des milliers de personnes ont témoigné que le prophète Sassem a sorti sa main de sa tombe et il lui a serré? Il va te dire quoi? C'est un wali. Comme quoi, il n'y a pas de discussion possible. C'est un wali, Allah il lui a donné un miracle. Tu vois? Jusqu'à ce qu'il y ait des méchères, ils ont dit, si tu vois quelqu'un voler dans les cieux, hein, ou marcher sur l'eau, ne prends rien de lui jusqu'à ce que tu vois si ce qu'il fait et ce qu'il dit est conforme au Coran et à la Sunna. Pour moi, ce genre de personnage-là, c'est vraiment, il veut l'égarement aux gens. Il veut vraiment corrompre l'islam. Non, de billah, c'est une partie de l'armée. C'est un jaune ou un possédé, ou je ne sais pas par quel drogue qu'il a pris. Donc ça, barakallahu fikum, ce sont les deux points. Wa aïdan, kama qala al-shaykh fi kashf al-shubuhat. Là, ce que le shaykh dit, le shaykh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimullah, dans un autre livret qui est la dissipation des équivoques. Min wajh akhir an al-awwalin ya'buduna unasan salihin min al-mala'ika wal-anbiya wal-awliya amma ha'ula fiya'buduna unasan min afjar an-nas wa hum ya'tarifuna bidhalik falladhina yusammunahum bil-aqtab wal-aghwath la yusallun wa la yasumun ولا يتزهون عن الزنا واللواط والفاحشة لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف فليس عليهم حرام ولا حلال إنما هذا للعوام فقط. D'accord. Donc là il dit quoi le cheikh hafidhullah? Il dit, comme dit le cheikh dans Kashf al-Shubuhat, dissiper les équivoques, il dit, il rajoute autre chose. Il n'y a pas juste que le shirk de ceux qui étaient avant et de ceux de maintenant, que ceux de maintenant, c'est pire que ceux d'avant. Il y a encore quelque chose de pire encore. C'est que même dans leur shirk, c'est encore pire. Ils font du shirk, qui est la pire des choses, mais ils font encore quelque chose de pire comparé aux autres. Il dit, les polythéistes d'avant, ils adoraient des gens parmi... Ils adoraient soit des prophètes, soit des anges, soit des awliyas. Et il dit, alors que ceux de maintenant, c'est du shirk qui est haram, d'accord ? Mais ceux de maintenant, encore, regardez comment c'est encore pire. Donc déjà, ils font aussi du shirk qui est haram. Mais qui c'est qu'ils adorent ? Ils adorent les plus pervers des gens. Ce sont des gens qui ni ne prient, ni ne jeûnent, ni ne s'écartent du zina. Ils tombent dans le zina, ils font du zina. Et ils pratiquent la sodomie, Darqa Umlout. Ils pratiquent tout cela, comme on avait mentionné dans le livre là, où est-ce que l'autre il avait des relations, l'autre il avait des relations en sodomie avec un âne, et cet égaré il mettait radiallahu anhu, subhanallah. Et les gens qui sont mentionnés dans ce livre là, c'est juste des noms qui sont cités, qui disent que c'est pas des gens connus pour leur science et leur piété, hein. C'est pas ça. Haché, ceux qui sont connus pour leur science et leur piété, ils ne tombent pas dans cela, au contraire. Non, mais justement, on va critiquer ce genre de personnes qui sont dans le haq, alors que ceux-là, on va les respecter beaucoup. Exactement. Ouais. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Hein ? Ceux qui craignent Allah, ceux parmi les serviteurs qui craignent Allah, qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. Ce sont les savants. Parce que le plus tu connais Allah, le plus tu le crains. Jusqu'à ce que les ulama disent que le ilm, c'est la crainte pieuse, c'est la taqwa. Parce que ça veut dire que si tu crains Allah, c'est que tu as appliqué ce que tu connaissais. Tu crains Allah Azza wa Jal, tu vas t'écarter des interdits, tu vas faire ton ijtihad, tes efforts pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le ilm, c'est l'application du... C'est la taqwa, c'est-à-dire l'application du ilm. C'est ça la taqwa. Donc eux, qu'est-ce qu'ils se mettent à adorer ces gens-là? Ils se mettent à adorer les plus pervers des gens. Des gens qui ont... Pourquoi en fait ils ont délaissé la prière? Ils ont délaissé le jeûne, ils ne s'écartent pas du zinet, ils lui tombent dans le zinet, ils font le zinet, ils pratiquent le zinet. Hein, ils font, ils pratiquent toutes ces les pratiques de Qaoum Lout, là, de la sodomie. Pourquoi ils pratiquent tout cela? Vous vous rappelez pourquoi? On avait vu ça, hein, notamment dans les 6 fondements. Quel verset ils utilisent? Le dernier verset d'une sourate, c'est lequel? Je vais vous aider plus, allez. Numéro 15, sourate numéro 15. Al-Hajj. Il est sur le bout. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Alors, un autre exemple, des mubtadi'a. Ils vont te prendre le verset wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Donc la certitude c'est quoi? C'est voilà, Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit Al-yaqin huwa al-maut. Tu dois adorer Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que tu meurs. Tu restes à adorer Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à la mort. Et Huma, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Al-yaqin. Ah, j'ai atteint le yaqin. Certitude. Ça y est. Et comme le Cheikh Mohammed Ibn Jami rahimahullah avait mentionné dès qu'on avait fait les explications des 6 fondements, il y en avait un au Soudan, qu'est-ce qu'il disait? Il était assis là, dans la mosquée, et il disait aux gens: levez-vous et priez, c'est l'heure de la prière. Et lui, il ne priait pas. Pourquoi? Parce que lui, il se considère qu'il a atteint le yaqin, la certitude. Donc, lorsque wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, comment ce dajjal, pourquoi je dis ce dajjal? Parce que quelqu'un, il dajjal, c'est quelqu'un qui ment, ce menteur. D'accord? Comment il ment aux gens? Parce qu'il veut dire que lui, il a atteint, donc il n'a plus besoin d'adorer Allah. C'est pour ça qu'il ne, il ne prie plus. Il ne fait plus le siyam. Il ne fait plus rien. Il n'adore plus Allah Azza wa Jal. Et il fait le zina, il tombe dans la fa'al taqawm lout. Donc, parce que lui, il considère qu'il a atteint. Et que les autres, la prière, le jeûne et tout cela, ça c'est pour l'awam, c'est pour les gens de la masse. Ils sont... Hein? Vous n'avez pas encore atteint... Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, il a adoré Allah azza wa jal jusqu'à la mort. وهذا يجي après et il va croire que lui il va être mieux. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez du poème d'Ibn Arabi qui considère que les awliyas sont au-dessus des prophètes et messagers. Il veut dire oui, mais lui c'est un wali, donc c'est normal. Voyez comment il trompe les gens, alors que le wali il est en dessous des prophètes et messagers. Il est en dessous des prophètes et messagers, d'accord? Et on avait vu, hein, tous les musulmans, ce sont des awliyas. Mais il y a trois niveaux différents. Dans Surat Fatir, hein? Sabiq bil khayrat, al-muqtasid, wa al-zalim li nafsi. D'accord? Ça, ce sont les trois. Tous les musulmans, ce sont des awliyas. Donc les gens, ils croient les awliyas, c'est attends, c'est quelqu'un, ou est-ce qu'il a une tombe, une zawiya, etc. C'est pas ça. D'accord? Ce sont tous. Mais il y en a qui s'oppressent eux-mêmes, qui font des muharramettes, tu vois? Et qui délaisse des obligatoires. Il y en a, on ne parle pas de la salat, bien sûr, comme je dis tout le temps. Salat, c'est celui qui la délaisse, ça y est, il n'est plus musulman. Ceux qui restent musulmans, qui délaissent certaines choses obligatoires, telles que le siyam, la zakat, d'accord, ce sont des péchés majeurs de délaisser ça. D'accord. Ou bien l'autre, murtasid, c'est celui qui fait les obligatoires, délaisse les interdits. Et sabiq bil khayrat, c'est celui qui fait les obligatoires, délaisse les interdits, et fait les surérogatoires. Et s'écarte aussi de choses qui sont licites, mais il ne les approche pas de peur de corrompre sa religion. Ça, c'est al-wara. D'accord. Donc il dit, regardez, ces mouchriquins, ils se mettent à adorer des gens qui sont pervers, des gens qui ne prient même pas, des gens qui ne jeûnent même pas, qui font le zina et tout cela. Et donc leur shirk est encore pire que les shirk des précédents. En plus, ça reste des créatures. Et en plus, ce sont des créatures. وهم يعترفون أن سادتهم لا يصلون ولا يصومون وأنهم لا يتورعون عن فاحشة. Et eux, ils savent que ces gens-là qu'ils adorent, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, et que ils n'ont pas de problème à tomber dans les péchés, les interdits. ومع هذا يعبدونهم. Et en plus, avec cela, ils se mettent à les adorer. بل يعبدون أناسا من أفجر الناس. Ils se mettent à adorer les pires des gens. Quel Hallaj, Ibn Arabi, Rifa'i, Badawi, وغيرهم. Tous ceux qu'on a mentionnés et que j'ai expliqué précédemment leur cas. وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء فاستدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Donc il dit, et là le cheikh a utilisé comme preuve que les polythéistes d'avant, les polythéistes récents ont un polythéisme pire que des premiers, car les premiers ils vouaient le culte sincèrement uniquement à Allah Azza wa Jal lorsqu'ils étaient en période de difficulté et associés à Allah lorsqu'ils étaient en prospérité, tandis que ceux d'aujourd'hui, que ce soit qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient dans la prospérité ou là qu'ils soient dans la difficulté, ils font du shirk et ils invoquent autre qu'Allah, d'accord. Et c'est pour ça qu'il a utilisé le verset comme preuve. Lorsqu'ils montent dans le bateau, ils se mettent à invoquer Allah, étant sincères dans le culte qu'ils vouent à Allah. Et que les prières et salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed et sur tous ses compagnons. Barakallahu fikum, on a terminé aujourd'hui les explications des quatre règles. Donc, alhamdoulilah, j'ai essayé de faire le plus en clarifiant des points, des détails, pour que tout soit bien clair. L'avantage de ces quatre règles-là, c'est que, vous vous souvenez, on ne connaît une chose que lorsque l'on connaît son contraire. D'accord ? Donc, tu ne connais le tawhid que si tu connais c'est quoi le shirk. Donc là, les quatre règles, ça nous a permis de bien détailler cela pour savoir quelle est la croyance des mushrikines. Tu veux savoir la croyance des croyants ? Tu vois ? Allah Azza wa Jal a clarifié la croyance des croyants dans le Coran et a clarifié la croyance des mushrikines et des mujrimines. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. Pour que la voie des criminels soit clarifiée. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous clarifie la voie des criminels dans le Coran ? La voie des polythéistes et des kofars. Pour que tu sais, ils tiennent sur quoi, donc tu t'en écartes. Et tu connais la croyance sur quoi étaient les sahaba, et donc tu t'y accroches. Donc barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.